Merci beaucoup d'être venus tous ce soir. Merci à toi. Ça nous a coûté, hein. Oh là là, je t'ai dit. On s'est dit, on allait venir, on a entendu son merde. Putain, fais chier, quoi. Ah ouais, non, mais sans déconner, quoi. Tu vois, on a eu un peu de regret à venir, quand même, hein. C'est décevant. Allez, on voulait le pote, mec. Et que ça burne. Et que ça burne. Thank you. Thank you. Oh yeah. Epiphane, il est passé à Gibson. Depuis tout à l'heure, je suis là, j'ai des soeurs qui les aiment. Mais oui, on s'aime tous. On a une stade pour toi, monsieur le bâtiment. Là, c'est cool, mais tant mieux. Au service. Oh, le lampli. D'accord. Remettez bien les lampes derrière, appuyez un petit peu dessous au cas où elles sont un peu barrées. Jean, toi, ce que je vais te faire, tu peux mettre un SM57 à la place. Tu le sens à peu près par rapport au jeu. C'est quoi le 57? Il y a du 57, c'est en technique. Ah oui, c'est sûr, c'est le SM57. Ah bah oui, c'est sûr. C'est toi. Ah, c'est pas bien, lui, c'est pas bien. Ça le fait plus, là. Ça fait vraiment un branleur. Hein. Oh là là, mais... Voilà un peu d'animation. C'est bon les gars? Ouais. Ok, on croise les doigts. On va jouer un morceau. Ah ouais. We'll be right back. Thank you. Et même de mamie. Thank you. faire encore deux morceaux avec Olivier. En attendant, je vais vous raconter une histoire. Allez, oh, allez, oh, allez, 40 barres ou rien. Alors, c'était comme ça. Thank you. Merci à Dathion Thank you. Merci.